بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم الحائية لابن أبي داود في عقيدة أهل السنة والجماعة. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki, hafizahullah ta'ala. 13e leçon. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. طيب. Aujourd'hui on va prendre Muraja'a de la 25e, du 25e et 26e vers. فقال المنظم رحمه الله تعالى فإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق مودح فإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق مودح. Donc là فإن رسول الله كسيت المسجد الله للخلق شافع intercède pour la création, c'est-à-dire les croyants. وقل في عذاب et dit que dans le châtiment de la tombe, il y a une vérité claire, clarifiée. Donc là, ces vers viennent pour affirmer le statut ou l'attitude à adopter envers les gens transgresseurs de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par rapport à Shafa'a, l'intercession. Tayyib. Et que l'intercession, Shafa'a, Hadha min aqidat al-sunnati wa jama'a. Donc pour croyance que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam intercédera en faveur des gens de sa communauté, parmi ceux qui ont été des muwahidin, qui ont unifié Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Plus d'autres choses. Elle est pour d'autres personnes. Mais que des muslimines, hormis un, qui est son oncle, comme cela viendra. Tayyib. Awalen, fa'inna rasulullahi ar-rasul, mahu, est celui qu'Allah a envoyé avec son message. Ça, c'est l'oratan. Ar-rasul, c'est celui que Allah a envoyé avec son message. Et quand on dit Rasulullah comme ça à l'aïtlaq ou à Rasul, on veut dire par là, on veut dire qui? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit Rasulullah ou Ar-Rasul, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est voulu. Également, on dit que le Rasul c'est Huwa Rajulun Balirun Hurrun Uhiya Ilayhi wa Umira Bitablighi. C'est un homme, un être humain. Donc, cela sort qui? Les djinns. Il n'y a pas de rasoul chez les djinns. Balir, majeur. Il n'y a pas de messager à la base chez les enfants. Exception faite pour Isa alayhi salam. Mais Isa alayhi salam, peut-être que dans son enfance, il ne s'agissait que de la prophétie. Pas forcément du message. Ça, il y a besoin de regarder. Il y a besoin de regarder plus. Est-ce qu'il y a une différence? Hein? Également, il est dit de Yahya. Yahya également, l'écrit de Yahya qu'il a eu le message alors qu'il était enfant. Mais est-ce que c'est le message ou la prophétie? Ça, Allah alam. Tayyib. Donc, Hur. Hur, c'est-à-dire que ce n'est pas un serveur, ce n'est pas un esclave. Ce n'est pas un esclave. Uhiya ilayhi, à qui il a été révélé, c'est-à-dire par Allah subhanahu wa ta'ala, wa umira bitablighi, à qui il a été ordonné de retransmettre. À qui il a été ordonné de retransmettre. Ça, c'est le messager. Et il vient avec une charia, en général, et avec un livre. Ce n'est pas dans l'absolu, mais là-bas, c'est que le messager vient avec un livre. Et une législation. Amen Nabi, le prophète, هو الذي أرسل لتجديد شريعة من بعث قبله من رسل. Que c'est celui qui est envoyé pour revivifier la législation de celui qui aurait été envoyé avant lui comme messager. Un Nabi, il ne vient pas avec une nouvelle législation. Il revivifie celle d'avant lui. Il rappelle ce qui a été oublié. C'est le messager qui, s'il y a des choses doivent être abrogées ou changées, enfin, c'est le messager qui va avec. Et Cheikh Ibn Taymiyyah, rahmatullah ta'ala, il dit qu'à la base, le messager est envoyé à un peuple qui dément, à des koufars. Et que le Nabi envoyait des gens qui ont cru et qui ont oublié la salade. Il leur rappelle. Mais généralement, un peuple mécréant ou qui dément vraiment, on envoie un messager. À la base. Donc, les khalqi shafi'un. Le khalq est pour sa communauté. Shafi'un qui fera intercession. Wa shafa'atu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kulna ala sittati aqsam. Elle est de 6 catégories. Awalan, ash-shafa'atu al-uzma. L'intercession majeure. Celle qui fera le jour de la résurrection lorsque tous les gens iront leur messager pour leur demander d'intercéder pour eux. Pour la peur qu'ils ressentiront. Et tous se rejetteront la responsabilité en disant nefsi nefsi, en disant moi d'abord. Et au final, les gens seront envoyés vers qui? Vers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, shafa'atuhu lidukhul al-jannati. Son intercession pour que les gens rentrent au paradis. Que les gens entreront au paradis par son intercession. Thalithan fi qawmin umira bid-dukhul wa umira bi idkhalihim fi an-nar fa yashfa hatta la yadkhuluha. Pour un peuple dont il a été ordonné qu'il soit entré au feu, et lui fera intercession, d'accord, lui fera intercession pour qu'il n'y entre pas. Des gens qui devaient à la base entrer dans le feu, il intercède en leur faveur pour qu'il n'y entre pas. Rabi'an lihusat al-muwahhidin alladhina hum fi an-nar an yukhraju minha. Ensuite, pour les gens transgresseurs, parmi ceux qui ont été des muwahhidin qui sont dans le feu, il intercédera en leur faveur afin qu'ils en sortent du feu. Afin qu'ils sortent du feu. Et que les Khawarij, eux, ils ont renié cette intercession, car eux, ils voient que celui qui est dans le feu n'en sort pas. Pour eux, celui qui rentre au feu, il y est voué éternellement. La cinquième, c'est sa shafa'a, pour que des gens qui sont au paradis soient élevés en degré. Que leur récompense leur soit agrandie. C'est-à-dire qu'ils sont déjà au paradis, au Jannah. Ils ont déjà leur âge, là c'est la cinquième celle-là. Ils ont déjà leur âge, et lui l'intercède pour que celle-ci leur soit augmentée. Et la sixième, celle pour son oncle, Abi Talib. Que son châtiment lui soit amoindri. Son châtiment lui soit amoindri. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا شفاعتي لكان في الدرك الأسفل من النار. Ce n'avait pas été mon intercession à moi, l'aurait été au niveau le plus bas du feu. تمام. نعم. ثم قال وقل في عذاب القبر حق موضح. Donc dit, on a dit quand on dit dire, c'est prononcer et avoir pour croyance, يعتقد في عذاب القبر حق موضح. Qu'il y a certes une vérité clarifiée dans le supplice de la tombe, le châtiment de la tombe. Donc il y a beaucoup de preuves à l'appui pour le châtiment de la tombe. Parmi ces adillah, qalu ta'ala, an-naru yu'raduna 'alayha uduwan wa 'ashiyya wa yawma takum as-sa'atu adkhiru ala fil'aun ashadd al-'adhab. On dira le feu, ils y seront exposés matin et soir. Et le jour où l'heure sonnera, retentira, alors faites rentrer Pharaon au plus dur des châtiments. Donc là on voit qu'avant que l'heure ne vienne, Il dit bien le feu. Ils sont exposés. En douane ou en ashiya, matin et soir. Il s'agit de quoi? Du razab, du azab le kabr. Châtiment de la tombe. Pour preuve qu'après, Atrilou, Ale Filaon, Ashad el Azab. Par la suite. Également le hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhu, Moutafakun Ali, Mara Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Bikobrein. Fakole, Innahuma yu'azaban, wa yu'azaban fi kabir. أما حدوما فكان لا يستطير من البول وما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جلدة رطبة وشق نصفين وجعل كل قبر واحدة فقيل له لما فعلت هذا يا رسول الله فقال لعله يخفف عنهما ما لم يبسا qu'il passa près de deux tombes en disant ils se font châtier. D'accord, ils lui seront dit, l'un d'eux ne se préservait pas de son urine, l'un d'eux ne se préservait pas de son urine, c'est-à-dire soit il ne faisait pas le sujet, après avoir uriné, il ne se nettoyait pas, ou soit il urinait aux yeux de tous, en public. Les deux ta'ouïl, deux interprétations qui sont venues pour le hadith. Le deuxième faisait de la namima. Ou la namima wa naql al-kalam ala wajh al-ifsad. C'est le fait de propager des paroles en vue de faire le désordre entre les gens. Le tahrish, semer la discorde entre les gens. Donc après, il a pris une feuille de palmier qu'il a coupée en deux et qu'il a mis sur chaque tombe. Lorsqu'ils lui ont dit « Pourquoi fais-tu cela ?» C'est là, selon Allah. Il dit « Il se peut que cela amoindrisse de leur châtiment tant qu'elle ne sèche pas. » Et cela, cet acte, est propre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas une sunna de faire cela avec les tombes. Pourquoi? Parce que toi tu ne sais pas qui se fait châtier ou pas. Ada min al-umur al-ghaybiya. Parmi les choses de l'invisible. Donc demain quelqu'un vient, il prend un truc, il met sur une tombe. Et pourquoi tu fais ça? Pour amondrir. Et qui te dit qu'il se fait châtier? Qu'est-ce que t'en sais toi? T'en sais rien du tout. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a su pour eux. Donc il l'a fait, mais s'il l'avait pas su, il ne l'aurait pas fait. Donc là, parce que des gens se sont mis à le faire, la chose. D'accord ? Et les ulama, ils ont vu que tu peux le faire. Le sawab, la yuf'al. C'était Adam ibn Khassa ici. Parmi ses particularités à lui, il avait le wahi. D'accord ? Il avait le wahi, voir ce qu'il a fait. Non. Donc ça, c'était le 25e vers. Ensuite, 26e vers. Qal, wa la tukaffiran ala salati wa in asaw. وكلهم يعصيه وذو العرش يصفح. Donc là, voilà, tukaffiran, ne rend pas mécréant, kafar kafiru, c'est la fin de rendre mécréant. Ahlu salati, ceux qui font la salat, c'est-à-dire les musulmans, même s'ils désobéissent. Donc là, c'est Mas'ala que on ne rend pas mécréant un musulman qui fait salat pour un péché qu'il aurait commis. Tant qu'il n'a pas justement commis un acte l'excluant de la communauté, comme du shirk, min nawaqid de l'islam, comme les actes annulatifs de l'islam. Tant qu'il n'a pas commis cela, il n'est pas permis de le rendre mécréant pour un péché qu'il aurait commis. Malam yastahilla également, tant qu'il ne le rend pas licite bien sûr. Il fait un péché mais il sait que c'est haram. Là maintenant tu fais un péché, tu le rends halal, tu dis que c'est halal et tu sais que c'est haram, là c'est autre chose. Car celui qui fait la salat, le as c'est que indahu mutlaq al-iman. Voilà al-iman et mutlaq. Ça veut dire le mutlaq al-iman, c'est la base, as al-iman. Ou al-iman et mutlaq, c'est la foi complète. Différence à avoir entre mutlaq al-iman ou al-iman et mutlaq. Même, ce n'est pas tout le monde qui a l'iman de mutlaq. Mais tout moumine a mutlaq al-iman. Donc là, on comprend de la parole du mu'allif, Abu Bakr, Ibn Abi Daoud, qu'il voit que le délaissement de la salat, c'est de la mécréance. Il a bien dit, « Wala tukaffiran ala salati. » Donc il a précisé, « La mi'aqaid, la mi'aqaid, la salat, si tu vois que ceux qui ne font pas salat, on kaffar. » C'est la parole répondérante dans le khilaf qui existe depuis longtemps Quant au Tariq al-Salah, celui qui dit sa salat, il y a un khilaf qui existe depuis bien longtemps. Entre ceux qui voient sa mécréance, ceux qui ne la voient pas. Et la vie le plus juste, c'est qu'il est mécréant. Wa hadha min adilatin 'iddah, plusieurs preuves. Parmi elles, hadith Jabir, un des musulmans, qu'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Baina rajuli wal kufri tark as-salat. Entre l'homme et la mécréance, et le délaissement de la salat. On est pris comme règle, comme Cheikh Al-Islam Tamiel a évoqué, que lorsque le kouf, il vient avec elle, mu'arraf bi elle, hein, il vient pas nakira, il vient ma'arifa, ça veut dire le kouf, al-akbar. Voilà l'asra. Quand il vient nakira, kufrun, ça peut être asra. Et quand il vient avec elle, mu'arraf bi elle, hein, la bosse qui veut dire kouf akbar. La mécréance majeure. Donc là, il a bien dit, bain al-rajul wal-kufri. Maman. Cheikh Al-Islam Cheikh Al-Islam Kala Kala. On l'a pris dans Flou Sunna. Maman. Taïeb. Également, aussi parmi les preuves, selon Bouraïda, un al-Tirmidhi, qu'a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Al-Ahdu, Bainana wa Bainahum al-Solah. Faman. Tarakaha faqad kafar, que le lien entre nous et eux, c'est la salat. Celui qui l'a délaissé a certes mécru. Faqad kafar. Ou également ce qui était rapporté de Omar radhiyallahu anhu, qui l'a dit, la hadha fil islam liman taraka salat, plus de peur d'islam pour qui a délaissé la salat. L'athar sahih. Vous voyez, plus de peur en islam pour qui a délaissé la salat. Également, Qul ibn Mas'ud, radiallahu anhu, قال, Man lam yusalli fala din lah. Celui qui ne fait pas la salat n'a pas de religion. Qul Ali, radiallahu anhu, Man tarakaha fawa kafir. Celui qui l'a délaissé, c'est-à-dire la salat, c'est un mécréant. Qul a dit athar sahih. Le fameux affaire de Abdullah ibn Shaqiq rahimahullah ta'ala, où il dit lam yakun ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yarawna shay'an tarkuhu kuf ghayr as-salah. Il dit que les compagnons du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'avaient pas une chose pour le délaissement était de la mécréance, c'était la salat. Wal athar sahih. Tamam. Donc là on voit le mouqif des sahaba par rapport à la salat. Là où il y a ittifaq entre les ulama, c'est celui qui dit sa salat juhudan. Il la renie. Lui, il n'y a pas de khilaf entre eux. Le khilaf, c'est celui qui la délaisse, t'as qu'un soulan, par fainéantise, ou qui reconnaît son obligation, mais qui est négligent. C'est ça qui est un khilaf. Mais le sahih, c'est qu'il est kafir. Hein? Yakfur. Et le hajib, c'est que des gens. Yani, par rapport au athar de Abdullah ibn Shaqiq, ils disent oui, mais Abdullah ibn Shaqiq, il n'a pas rencontré tous les Sahaba. D'accord ? Il n'a pas rencontré tous les Sahaba pour dire ce qu'il a dit. Et là, ils voient que ce n'est pas forcément un ijma des Sahaba, parce que Abdullah ibn Shaqiq, il n'a pas rencontré tous les Sahaba pour leur demander. Mais en ouvrant cette porte-là, il n'y a plus d'ijma qui existe. Car quand Cheikh Al-Islam Taymiyyah rapporte un ijma de gens qui étaient avant lui, ils n'ont pas rencontré non plus. Ça veut dire, il n'y a pas rencontré non plus. On ouvre ces portes-là, tu vois, il n'y a plus d'ijma. Il n'y a plus d'ijma qui peut se faire. C'est-à-dire, des gens ont rencontré des ijma de personnes d'avant eux. Alors que lui, Abdul Mushakik, il était contemporain au Sahaba. Tabi'i. Tu vois. Naam. Tayyib. Donc après, il dit, dans le vers, وَكُلُّهُمْ يَعْصِيهِ وَذُو الْعَرْشِ يَصْفَحُ. Et tous lui désobéissent. Et celui qui tient le arche, le trône, le possesseur du trône, pardonne. Hein? Non. Pardonner et en oubliant. C'est pardonner, en plus, on ne te reprend pas avec. Donc kulum yasihi, même en ahada, que nous sommes voués à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Et plusieurs ahadiths sont venus. Et qu'il n'est pas possible que le bani Adam ne commette pas de faute et de péché. ومن أجل ذلك حديث بذر عند مسلم الشاهد فقال يا عبادي إنكم تخطئون بليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. Il dit aux mes serviteurs, vous fautez de jour comme de nuit et moi je pardonne tous les péchés, alors demandez mon pardon, je vous pardonnerai. Et d'autres hadiths où le Nabi صلى الله عليه وسلم a dit, vous faites tous des fautes, des péchés, et qui jamais vous n'en faisiez pas, que là, ce printemps-là, mettrez les gens à votre place afin de leur pardonner. D'accord ? Wa hadha min muqtada ismallah al-ghaffar. Wa al-ghafur, wa ghayr dhalika. D'accord ? Car parmi les noms d'Allah, il y a al-ghaffar, al-ghafur. Donc ce nom doit s'appliquer. Ce nom et cette sifat doivent s'établir. Donc comment cela serait s'il n'y a pas de péché, pas de faute ? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il aime. Il n'aime pas qu'on faute, mais il aime qu'on revienne. D'accord ? Il n'aime pas qu'on faute, mais il aime qu'on revienne de nos fautes. Naam. Wazul arshi, c'est celui qui détient le arsh. À la base, zu, nasma la khamsa. Zul arsh. Man hu zul arsh, wallah, subhanahu wa ta'ala. Tayyif. Wazul arshi, yasfahu. Donc, car Allah, ce moment-là, dans le sens, il pardonne. Wasfahu, on en a parlé, wa'fu, wasfahu. C'est wa'fu, c'est pardonner. Wasfahu, chez nous, c'est le fait que tu pardonnes et en plus, la chose, elle est oubliée. Comme on a déjà expliqué, tu peux pardonner à quelqu'un, cela ne veut pas dire que tu oublies ce qu'il a fait. Tu dis, je ne t'en veux plus, ça ne veut pas dire ce que tu as fait, je l'ai oublié de sortir de ma tête. Donc, quand tu dis, afu, wasfah, c'est je t'ai pardonné et en plus, c'est comme si tu n'avais jamais, tu n'avais rien fait. C'est comme si tu n'avais rien fait. Et Allah, quand tu te fasses une faute, man ta'ib, kaman la zambala. Celui qui a fait tauba, comme celui qui n'a pas fait de péché. Au point d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais chez l'être humain, c'est plusieurs. Quelqu'un t'a fait quelque chose, t'a fait du mal, tu peux le pardonner, mais un tasfah, là, c'est plus dur. Ça demande un iman koui, de dire je te pardonne, en plus, c'est comme si tu n'avais rien fait. Ça, il faut avoir fait un haut niveau dans la foi. Naam. Ma fou mahada. فالأبيات اليوم فإن رسول الله للخلق شافع وقول في عذاب القبر حق مودح ولا تكافرن أهل الصلاة وإن عصوا وكلهم يعصيه وذو العرش يصفح وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.